وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. Inch'Allah, on est dans la continuité des cours de l'explication du livre Manhaj al-Salikin de l'imam Abdurrahman ibn Sa'di, rahmallah tabarak wa ta'ala. Et nous étions arrêtés dans la description de la prière. Nous avions parlé de pas mal de choses et nous étions arrivés à la prosternation. Dès lors que la personne s'est relevée du rukou, avec les invocations qu'on avait mentionnées, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, et les autres invocations, mil al-ard wa mil al-sama wa mil ama baynahuma, etc. Dès que la personne s'est relevée et a dit ces invocations, alors il se doit de partir en sujoud bit takbir, ce qu'on appelle takbiratul intiqal, c'est-à-dire en disant Allahu Akbar et à ce moment-là, il se prosterne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous prosterner sur sept parties du corps, sept membres. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala sab'ati a'zum. Ces sept membres-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a montrés, les a désignés en disant al-jabha wal-anf, hada 'azmun wahid. Le front et le nez, ça c'est un endroit sur lequel on doit se prosterner. Les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. Sept membres. Aussi, le prophète, ça c'est un hadith muttafaqun alayhi, c'est un hadith unanimement reconnu authentique. Aussi, lorsqu'il se prosterne ou lorsqu'il part en prosternation, il est sunna à ce moment-là de lever les mains. D'accord ? Il dit Allah, il lève les mains, il dit Allahu Akbar et il commence à descendre. Ça c'est authentifié par l'imam al-Bukhari d'après le hadith d'Abdullah ibn Omar qui afwan le hadith de l'imam Ahmed et Abu Dawood qui disait, et là je vais attirer votre attention inchallah tabarak wa ta'ala, où il disait kana ahyanan يرفع يديه إذا سجد. Et parfois, il levait les mains lorsqu'il partait en prosternation. Ahyanan. Ahyanan, chez les Arabes, ça veut dire parfois, ça veut même des fois dire une seule fois seulement. Il se peut que le prophète l'ait fait qu'une seule fois dans sa vie. Sur la base de ceci, les savants disent qu'il n'est pas sunnah de le faire tout le temps. Non. Et on a le hadith de Abdullah ibn Omar. Et ça, c'est pour que vous compreniez un petit peu Quelles les contradictions en apparence qu'il y a entre différents ahadiths. Et si la personne n'a pas un minimum de recul et de savoir, il risque de penser que il y a une contradiction dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas le cas. Écoutez bien ce hadith d'Abdullah ibn Omar, il disait, النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. Le prophète ne levait pas ses mains lorsqu'il partait en prosternation et il ne levait pas ses mains lorsqu'il se relevait de la prosternation. Donc on a ce hadith là. On a le hadith rapporté par l'imam Ahmed qui est tout aussi authentique et qui nous dit que le prophète le faisait parfois. Comment on concilie les deux hadiths? Tout simplement que Abdullah ibn Omar, lorsqu'il décrit la prière du prophète, il l'a toujours vu prier sans lever les mains. Donc pour lui, c'est un état de fait. Le prophète ne levait jamais les mains lorsqu'il partait en prosternation et lorsqu'il se relevait de la prosternation. Or l'autre hadith, c'est un sahabi qui l'a rapporté et qui a vu le prophète lever les mains à ce moment-là. Donc on comprend bien que le prophète des fois le faisait, des fois il ne le faisait pas. Quelle est la sunna à adopter? Quelle est la sunna à appliquer dans ce genre de situation? C'est de faire comme le prophète, c'est-à-dire de le faire parfois. Ahyanan. Non, je crois. Ahyanan. Et celui qui le fait tout le temps, il sort de la sunna. C'est entre autres les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Non. Aussi une autre problématique qui se pose ici. Lorsqu'il part en prosternation, doit-il d'abord poser ses mains d'abord ou alors ses genoux? Non. Sujet à divergence, comme vous le savez. La divergence tient sur la compréhension d'un hadith authentique, sur lequel tout le monde est d'accord. Ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, Ida sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al ba'ir. Lorsque l'un d'entre vous se prosterne, qu'il ne se prosterne pas à la façon du chameau ou du dromadaire. Ça, c'est une version du hadith. La deuxième version, il y a une ziyada, il y a un rajout du sahabi qui a dit فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُقْبَتَيْهِ, qu'il pose d'abord ses deux mains avant ses deux genoux. C'est comme si ce rajout vient expliquer la manière dont, ou l'inverse de la manière dont s'agenouille le chameau. Donc qu'est-ce que vous êtes demandé de faire ici? C'est de poser d'abord les mains avant les genoux. Non. D'autres savants considèrent que ce rajout-là est à ce qu'on appelle un taqlib de rawi. C'est-à-dire que le rapporteur du hadith a inversé les deux termes. Au lieu de dire qu'il pose d'abord ses deux mains sur ses deux genoux, il a dit, au lieu de dire qu'il pose d'abord ses deux genoux avant ses deux mains, il a dit qu'il pose d'abord ses deux mains avant ses deux genoux. C'est comme s'il s'était trompé. Pour quelle raison il dit ça? Car ils disent parce que le chameau, tout simplement, quand il s'agenouille, comment ça se passe? Il pose d'abord ses genoux, ou il pose d'abord ses pattes, ses mains avant, ses genoux qui sont sur ses coudes, et ensuite ses genoux. Donc, on fait le contraire. Et ça, c'est entre autres la parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad qui explique ceci. Et certains savants, comme Charles Athémy à notre époque, voient ceci. À la Kulihal, le hadith qui a été cité, que je vous ai cité, c'est un hadith authentique rapporté par Cheikh Al-Albani, rapporté par l'imam Ahmed et autres, et authentifié par Cheikh Al-Albani, qui l'a authentifié. Sur la base de ceci, il est préférable et plus sûr de prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt qu'une explication. Le hadith est plutôt clair de sens. Qu'il pose d'abord ses mains avant ses genoux. Non. Aussi, cette problématique, barakallahu fikoum, il ne faut pas en faire une histoire d'État, comme on dit. Si celui qui prie à côté de moi prie ou se prosterne les mains d'abord, ensuite les genoux, alors que moi je fais le contraire, on va pas lui casser la tête sur ça. Pourquoi? Car ça ne fait pas partie des piliers de la prière, ni des obligations de la prière. Ça ne vient pas annuler ta prière si tu fais ceci ou cela. Mais ça vient juste parfaire la prière dans le sens où, si tu essaies de te rapprocher de la sunna, alors ta prière en sera d'autant plus parfaite. Non. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui étaient avec moi, ça nous rappelle le fait de poser les mains après le recours sur la poitrine ou alors les laisser. Non. On avait rapporté ceci à Cheikh Ibn Baz. On lui a dit, vous savez, Cheikh Al-Albani, il dit que celui qui remet les mains comme ça, c'est une bid'a. Bid'atun. Donc c'est une parole lourde de sens. Bid'atun, ça veut dire que tous les savants du Hijaz, pratiquement, ils font une bid'a. Qu'a dit Cheikh Ibn Baz? Il a dit, je ne connais pas un savant sous les cieux et sur la surface de la terre plus savant du hadith à autre époque que Cheikh Al-Albani. Non. Voilà qu'il, il a dit quoi? Ça veut pas dire qu'il l'approuve. Mais il a dit seulement, il y a un adab à respecter. Il y a une déontologie à respecter. C'est quoi? C'est que ceci ne doit pas causer de discorde entre les étudiants en sciences. Si tu veux remettre les mains après recours, ça fait un inshallah. Non. Si tu veux pas, et que t'as des dalils, inshallah. Tu seras récompensé, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais le fait d'en faire une guerre, ou de faire une alliance et un désaveu sur ce principe-là, ceci ne fait pas partie de l'islam, ni de la sunna. Là, il y a des choses beaucoup plus importantes. Donc, il se prosterne sur sept membres, en posant d'abord ses mains, en appliquant par ceci le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment doivent être ses mains lorsqu'il est prosterné? Elles doivent être à hauteur de son front ou de son nez. Donc, je ne peux pas vous le faire ici, mais on n'est pas, en n'étant pas les mains trop devant ni trop derrière, à hauteur du front et des oreilles et du nez. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Wa'il ibn Hujr, afwan, le sahabi, a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, falamma sajada sajada bayna kaffayhi. Il se prosternait entre ses deux mains. Donc sa tête était bien entre ses deux mains. Aussi, falamma sajada wada'a jabhatahu bayna kaffayhi. Et lorsqu'il se prosternait, il posait son front entre ses deux mains. Sallallahu alayhi wa sallam. À hauteur des épaules aussi, ceci a été rapporté. وَكَانَ يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. Des fois, le prophète mettait ses mains à hauteur des épaules. C'est aussi fait, ceci fait partie aussi de la sunna. Donc, vous avez le choix dans tout ceci. Et si un compagnon a rapporté cette manière de faire, et d'autres compagnons ont rapporté une autre manière de faire du prophète, ceci nous prouve que le prophète a utilisé les deux façons et qu'il y a dans ceci un tawassu'. Il y a une largesse. Donc le musulman, il doit appliquer parfois ceci, parfois cela. Là. Comment doivent être ses mains? Elles doivent être étalées par terre, les doigts liés, les doigts joints. Là. Non pas les poings comme ça, ni comme ça, ni comme ça, les mains par terre, avec les doigts droits et liés. Là. Dirigé vers la Qibla, ses mains dirigées vers la Qibla, et il soit, alors c'est très important, c'est ce que je veux dire, lorsqu'on en sujoud, on doit être dans une position naturelle. Qu'est-ce que ceci veut dire? Vous vous rappelez dans recours? Dans recours, une des conditions de recours, pour qu'il soit une chala valide, il faut que la personne ait un dos plus ou moins droit. De telle sorte qu'on pourrait poser un verre tranquillement, sans qu'il soit penché. Non, pour celui qui a la possibilité de le faire. Celui qui n'a pas la possibilité de le faire, son dos restera courbé. Pas de problème. Ça, c'est demandé pour le recours. C'est-à-dire pour l'inclinaison, la génuflexion. Par contre, pour la prosternation, alors là, on est dans une position naturelle dans laquelle on se sent bien. Seulement, il va falloir respecter deux choses. Nuhiya anil imbitah wa nuhiya anil taqawwus. Elle est bêtard sur le fait de trop s'allonger, de telle sorte que lorsqu'une quelqu'un te voit, il penserait que tu as allongé plein ventre. Ça, c'est pas une position naturelle, elle fatigue. Elle te fatigue le dos. Car, en fait, lorsque tu te mets comme ça, la charge de ton corps, elle n'est plus supportée par tes bras. Donc, c'est ton dos qui prend tout. Donc, tu n'es pas dans une position confortable. Et si tu es trop recroquevillé sur toi-même, mokawwas, alors dans ce cas-là aussi, tu n'es pas dans une situation et une prosternation qui est confortable et naturelle. Il faut être dans un juste milieu, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yambatih wa la yuqawwis. Aussi, il faut qu'il décolle son ventre de ses cuisses. Si on est trop recroquevillé, renfermé, mujami ala nafsihi, alors dans ce cas-là, le ventre va toucher le haut des cuisses. Et ceci est interdit. Ceci ne fait pas partie de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Voilà comment est le sujoud dans les actes et dans la manière apparente. Non. Aussi, ses bras, lorsqu'il pose ses mains à terre, comment doivent être ses bras? Il doit les lever. Yujafiha an batnihi wa an adudaihi. Il doit les écarter. De telle sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait tellement ses bras que une petite brebis pouvait passer en dessous. Et on voyait la blancheur de ses aisselles, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous prouve bien que le prophète ne priait pas les bras collés au corps. Or ceci, c'est quand la personne, elle peut le faire, elle prie toute seule par exemple. Lorsqu'on est en groupe et qu'il n'y a pas beaucoup de place, bien sûr, il ne s'étale pas. Sinon, il gêne les autres. Donc, dans ce cas-là, il lui est permis de rapprocher les bras du corps. قال الإمام البخاري كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبتيه وإذا سجد لو شاءت بهمة أن تبغر بين يديه لبغرت. Ici il y a le hadith Bukhari ou Muslim. C'est ce que je vous ai cité, Inch'Allah. Le prophète écartait tellement ses bras qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. Ça, c'est le Bukhari. Et Muslim rapporte que lorsqu'il se prosternait, si une petite brebis voulait passer en dessous, elle pourrait le faire sans problème. Non. Comment doivent être ses pieds? Ses pieds, ils doivent être collés. Non pas écartés. Ils doivent être collés et joints. Sans les séparer. Ses doigts de pied doivent être en direction de la Qibla. Donc, pied levé, doigt de pied en direction de la Qibla. Bien sûr, tout ceci dans la mesure du possible. Non. Quelle est la preuve que les pieds doivent être collés? La preuve, c'est le hadith de Aïcha. Lorsque le prophète se leva une nuit pour prier, donc dans la pénombre, et qu'il n'y a pas de lumière, elle cherchait le prophète sans celle-là de sa main. Elle tâtonnait comme ça dans l'obscurité, à savoir où il était, sachant que l'appartement du prophète était très petit. Donc elle tomba sur ses pieds. Elle toucha ses pieds. Et elle a vu que ses deux pieds étaient, ou plutôt elle toucha ses deux pieds. Et les savants l'ont déduit que la main de Aïcha, qui est une main relativement petite, a réussi à toucher les deux pieds du prophète, ce qui prouve que ses deux pieds étaient très rapprochés, voire collés. Là, si ses pieds étaient écartés, jamais elle aurait pu toucher les deux pieds en même temps. Radiallahu tabaraka wa ta'ala. Quel doit être l'espace entre les deux genoux, ou entre les deux jambes, de manière naturelle, ni trop serré, ni trop écarté. Oui. Aussi, il est permis à la personne d'essuyer l'endroit où il va se prosterner. S'il y a un besoin, s'il n'y a pas besoin, il ne le fait pas. Un besoin, par exemple, quelqu'un qui prie dehors, sur une terre où il y a des petits cailloux, il peut, Inch'Allah, enlever. Il est permis, c'est ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enlever pour éviter que son front soit blessé et touché par ces petits cailloux qui peuvent le blesser. Aussi, toute peau qui est pure ou tannée d'animaux licites à la consommation, on peut prier dessus. D'accord? Comme la peau de mouton, la peau de vache, de bœuf, tout ce qui est licite à la consommation est tanné. Parce que le tannage est une purification en lui-même. Alors il est permis de prier dessus. Par contre, il est interdit, et c'est l'avis le plus authentique, de prier sur les peaux de fauve, même si elles sont tannées. Hein? Car le fauve est illicite à la consommation. Une petite divergence sur ce sujet-là, mais la vue le plus authentique, c'est celui-là. Quels sont les sunnas maintenant à dire dans le sujoud? Vous vous rappelez que dans le recours, on avait vu pas mal de choses, mais d'une manière générale, on dit Subhan Rabbi al-Azim. Gloire et pureté à Allah, le très grand. Tout simplement car le recours est une forme de révérence et de déférence à Allah, tabaraka wa ta'ala. La prosternation, quant à elle, est un signe de soumission d'une valeur symbolique considérable. Quand on représente un musulman qui prie, on le représente comment? En prosternation, n'est-ce pas? C'est très symbolique. Jamais ou rarement on représente un musulman en inclinaison ou debout. Mais lorsqu'on le représente en prosternation, alors ça c'est très fort dans la symbolique et dans l'image qu'elle dégage. Pourquoi? Car il n'y a pas beaucoup de religions qui, justement, se prosternent de cette façon. Allah Kulli Hal, l'islam a instauré le sujoud. Donc quand on représente un musulman qui prie, on le représente en sujoud. Car le simple geste est très parlant et sous-entend de manière claire ton humiliation devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cette raison que l'on dit Subhan Rabbi al-A'la. On change de formulation. Subhan Rabbi al-A'la. Al-A'la ici, le très haut, le plus haut, c'est un superlatif. C'est mon tafdil. Pour montrer que plus tu descends, plus tu te rabaisses, et plus tu proclames la grandeur et la hauteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. On va pas rentrer dans l'asma ou sifat ici, mais al-a'la, al-ulu. Ulu-ullah, c'est un qualificatif, une qualité d'Allah tabaraka wa ta'ala, la hauteur. Allah tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus dans son essence. Il est au-dessus dans sa domination. Il est au-dessus dans son qadr, c'est-à-dire dans la valeur qu'on lui donne, tabaraka wa ta'ala. فَهُوَ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ بِذَاتِهِ وَقَدْرِهِ وَقَهْرِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Donc, plus tu te rabaisses, plus Allah t'élève. Voilà pourquoi le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on viendra à ce hadith tout à l'heure, inshallah, que la personne, lorsqu'elle est en prosternation, c'est à ce moment-là qu'elle est la plus proche d'Allah. Jamais vous trouverez un kafir se rabaisser devant Allah. Se prosterner devant Allah. Jamais vous trouverez un kafir. Pourquoi? Car la prosternation est la marque d'humiliation la plus parlante. La plus forte. Il n'y a que les croyants qui se prosternent devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Non. Et ceux qui sont remplis d'humilité devant leur Seigneur. Yal kasiru amam Allah. Vous savez, en arabe, on dit el anfu, c'est le nez. On le dit aussi el arnin. Arnin. Jam'u, Arnin, son pluriel, Aranin. Écoutez bien ce vers de poème de l'imam Ibn Dureid. Rahimallah tabarak wa ta'ala. Il dit, Hal ana bid'un min Aranin ulan jara alihim sarfu dahrin wa'tada. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit, je ne suis pas, yani, nouveau ou un prédécesseur concernant les gens qui sont élevés dans la distinction et dans les honneurs, Ashab al-Ma'ali, sur lesquels les vicissitudes du temps se sont acharnées. Comment il a appelé les gens qui sont au-dessus, une caste au-dessus? Aranid. Aranid aoula. C'est-à-dire, ils lèvent leur nez. Car quand tu lèves ton nez, ça veut dire que tu t'enfles d'orgueil, tu te crois supérieur. Donc quand tu le mets par terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'humilies devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça, il n'y a que les croyants qui le font. Naam. Donc, tu poses ton visage au même niveau que tes pieds sur terre. Ces mêmes pieds qui foulent, parfois, des choses impures. Naam. Et en général, quand on veut rabaisser quelqu'un, on le met par terre. Mais toi, tu te mets par terre pour qu'Allah t'élève. Naam. Et si on a compris ça, alhamdulillah, c'est un grand bien. Voilà pourquoi il convient que serviteur célèbre la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son essence et dans ses attributs. Akrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dès lors qu'il se prosterne qu'il est le plus proche de son Seigneur. Non. Dans la prosternation, il est interdit de lire le Coran, barakallahu fikum. Dans la prosternation, il est interdit de lire le Coran. L'imam Muslim rapporte dans ce hadith, dans ce sahabi, dont le nom m'échappe, qui a dit, Ala inni nuhitu an akra al-Qur'ana fi ruku'i wa fi sujud. J'ai été interdit de lire le Coran dans le ruku', dans la génuflexion, dans l'inclinaison et dans le sujoud. فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ رَبَّ عَزَّ وَجَلَّ. Dans le recours, vous devez proclamer la grandeur d'Allah. الْعَظَمَ. Quant au sujoud, اجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى. Multipliez les invocations. فَقَبِلَا أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Peu s'en faut que vous ne soyez exaucés. Dans le recours, نعظم الله تبارك وتعالى وفي السجود نسبح الله ونثبت له العلو العلو وكذلك ندعوه بالأدعية المشروعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et dans le sujoud, on l'invoque par les invocations qui sont légiférées. Aussi, concernant ces masaïl de dua, La personne, elle dit, Subhana Rabbiyal A'la, ça c'est une obligation de la prière, il doit le dire au moins une fois. Non. On reviendra, Inch'Allah, à la fin de tout ceci. On fera un petit récapitulatif sur les piliers et les obligations de la prière. La personne qui délaisse ceci volontairement, sa prière n'est pas valide. Il la recommence. Celui qui l'a oublié, alors il se doit de réparer sa prière par deux prosternations. Non, mais quoi? Donc il dit Subhana Rabbiyal A'la au moins une fois. S'il le dit trois fois, c'est le mustahab. Trois fois, c'est le recommandé. S'il le dit dix fois, afdalul mustahab. C'est le meilleur du mustahab. Pour celui qui est tout seul ou derrière l'imam, il peut même le dire jusqu'à 100 fois. C'est permis. Par contre, pour l'imam, il n'a pas le droit de dire plus de 10 fois. Pour quelle raison? Car il a derrière lui des gens. Il a derrière lui des gens malades. Il a derrière lui des vieux. Des gens qui ne peuvent pas supporter des prières trop longues. Donc s'il dit 100 fois, Subhana Rabbi al-Azim sujoud, hein, ou alors Subhana Rabbi al-Azim dans le recours, imaginez-vous les gens derrière lui. Non, qui peuvent pas rester dans des positions trop longtemps. Donc pour l'imam, il doit s'en tenir à 10 fois. Ah, bah concernant les autres, ils peuvent le faire autant de fois qu'ils le veulent. Aussi, il y a une doa qu'on peut dire dans ce sujoud. Il dit Allahumma ghfirli warhamni warfa'li warzuqni wajburni. Hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Prophète a dit à sa toi salam, ô Seigneur, pardonne-moi et ujburni, comble mes déficiences, warfa'ni, élève-moi, warzuqni, octroie-moi ma subsistance, wa'afini, et protège-moi de tout mal. Tout ceci il le dit dans le sujoud. Aussi il peut dire Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sihrahu. Ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés, qu'ils soient minimes ou qu'ils soient cachés ou qu'ils soient apparents, diqqahu wa jillahu, c'est-à-dire qu'ils soient subtils ou alors qu'ils soient apparents et évidents, des premiers aux derniers, qu'ils soient faits en public ou en cachette. Et toutes sortes de doa qui sont tout aussi légiférées. Pareil ici, Cheikh Al-Faymin dit quelque chose. Il dit la personne aussi dans ce jour elle doit profiter de faire des doa qui concernent sa situation qu'il est en train de vivre. Il dit par exemple un célibataire, il dit Allahumma rzuqni zawjatan saliha. Là, ou pour une femme, Allahumma rzuqni zawjan saliha. Octroie-moi un homme, un époux ou une épouse vertueux ou vertueuse. Si quelqu'un est dans un travail, il dit Allahumma a'inni ala itmami mashru'i, par exemple. Il dit oh Allah, aide-moi à finir mon projet. Voilà. Il fait des doigts. Yadu'u Allah bima yunasibu hala. Suivant sa situation. Ça aussi, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Allah dit tabarak wa ta'ala, wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Regardez bien. Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Ici, la formulation en arabe, astajib lakum, c'est un fi'l majzoum. Sans entrer dans les détails, ici, ça implique une réponse à une condition. Si vous m'invoquez, alors je vous exauce. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Là, vous m'invoquez, je vous exauce. Là. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et si tes serviteurs, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Je suis proche, dans le sens où Allah entend tes doigts. Et c'est lui le plus à même de pouvoir y répondre. Ma femme est toujours bien quoi? Lorsqu'il a fait ce sujoud et qu'il a fait ses doigts, alors il se relève du sujoud en disant Allahu Akbar et à ce moment-là il s'assoit. Non. Il s'assoit ici sans lever les mains. Ça c'est la sunna aadiyah. Il a été rapporté que des fois le prophète à ce moment-là levait les mains. Il est en sujoud, il se relève, il se met assis, Allahu Akbar, il lève les mains. Ahyanan, des fois. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, des fois, ça ne veut pas dire tout le temps. Ahyanan chez les Arabes, ça veut dire al-maghrat al-wahida, une seule fois seulement. Idan as-sunnah, c'est qu'on le fasse de temps en temps, barakallahu fikum. Comment il doit s'asseoir entre les deux prosternations? Soit il s'assoit de la position qu'on appelle jalsatu al-iftirash. L'iftirash, c'est-à-dire littéralement allonger et coucher le pied gauche. Donc il s'assoit sur son pied gauche, là, et il lève le pied droit, avec les orteils en direction de la qibla. Ça, c'est l'iftirash. C'est une manière qui est légiférée, et de manière générale, le prophète s'assied entre les deux prosternations de la sorte. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre manière tout aussi licite de faire, c'est ce qu'a enseigné Abdullah ibn Abbas aux compagnons et aux tabi'in. C'est qu'il s'assied sur ses deux talons. Sallallahu tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'on lui a posé la question, à titre de blâme ou de réprimande, il a dit, hadihi sunnatu nabiyikum. Voilà la sunna de votre prophète. Donc il ne l'a pas inventé. Ou ce n'est pas un ijtihad de sa part. Radiallahu anhu. Comment est cette position? Si en fait, on garde ses deux pieds debout et on s'assoit sur ses deux talons. Non? Ceci est peut-être adéquat pour des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à, de par leur poids, par exemple, un peu trop élevé, ils n'arrivent pas à s'asseoir sur leur pied gauche. Non? Et lever le pied droit. Donc dans ce cas-là, il peut s'asseoir sur ses deux talons. D'une manière générale, c'est beaucoup plus simple. Non? Ici, il pose sa main gauche sur son genou gauche, les doigts tendus, et il peut même prendre son genou gauche. Donc, soit il pose sa main gauche sur son genou gauche, ou sa cuisse gauche, soit il prend carrément son genou. Les deux ont été authentifiés et rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la main droite, il y a une divergence chez les savants, à savoir, est-ce que la main droite reste sur la cuisse, immobile, à l'instar de la main gauche, ou alors il doit bouger le doigt, comme il le ferait dans le tashahhud. La majorité des savants considèrent qu'il doit laisser sa main mabsouta, c'est-à-dire posée sur son genou, ou sur sa jambe droite, immobile, comme la main gauche. D'autres savants considèrent que, ici, il doit bouger le doigt, car il y a des hadiths qui ont une portée générale et qui n'ont pas de preuves ou d'autres hadiths qui viennent les restreindre. Quels sont ces hadiths? Ces hadiths, il y en a deux qui sont authentiques et il y en a un troisième qui fait l'objet de divergences quant à sa chaîne de transmission. Non. Le premier des hadiths, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar qui a dit « Anna al-Nabi sallam kana idha jalasa fi salati » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'assied dans la prière avec l'article, alif wa lam, dans la prière, de manière générale, c'est donc du début à sa fin, lorsqu'il s'assied dans la prière, wada yadihi ala rukbati, il posait ses deux mains sur ses genoux, wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati tali al-ibham, et il levait, son doigt de la main droite, celui qui suit le pouce, c'est-à-dire as-sabbaha, celui-là, l'index. Fada'a biha wa yadahu al-yusra 'ala rukbatihi basitaha 'alayha. Donc il invoquait Allah en remuant son doigt de la main droite et sa main gauche restait immobile sur sa jambe gauche. Ça c'est le premier hadith rapporté par l'imam Muslim qui nous dit d'une manière générale que lorsque le prophète était assis, il faisait comme ça. Que ça soit entre les deux prosternations ou dans les assises, du tashahhud au milieu et à la fin. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Abdullah ibn Zubair, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, idha qa'ada yad'u. Lorsque le prophète s'asseyait, il invoquait. Wada yadahu al-yumna ala fakhidihi al-yumna, wa yadahu al-yusra ala fakhidihi al-yusra, wa ashara bi isba'ihi sababa. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsque le prophète s'asseyait, il invoquait. Il pose sa main droite sur sa cuisse droite, puis sa main gauche sur sa cuisse gauche, puis il bouge le doigt droit, la main droite, c'est-à-dire l'index, alors que sa main gauche reste immobile. Ce sont des hadiths d'une portée générale, qui portent certains savants à dire qu'il est légiféré et même obligatoire pour celui qui veut avoir une prière en corrélation avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il doit bouger le doigt entre les deux prosternations. Non? On a un troisième hadith qui est clair de sens, mais celui-là, les savants divergent sur son authenticité. Le hadith shadh, comme on dit. C'est le hadith de Wal ibn Hujr, qui dit, lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'asseyait entre les deux prosternations, il levait le doigt. Donc là, on voit bien entre les deux prosternations. Non. Comment on sort de cette divergence entre les savants? C'est une divergence qui existe depuis très longtemps. Il faut savoir que la plupart des savants considèrent qu'il faut laisser les deux mains immobiles. Et que les savants qui disent que la main droite ou l'index de la main droite doit bouger entre les deux prosternations s'appuient sur des hadiths. Sur la base de ceci, c'est le qawlu sahih. C'est la parole la plus juste, inshallah. Et il faudrait prouver de l'autre côté qu'il y a des hadiths qui nous prouvent que le prophète avait les deux mains immobiles et il n'y a pas de hadith sur ça. Non, je crois. À la kulli hal, ça fait aussi partie des masail khilafiyya bayna al ulama. Et comme je l'avais dit pour les autres masail, un petit peu, on va dire tangent. On ne doit pas dénigrer son frère qui n'aurait pas le même avis que nous. Non. Quel que soit l'avis qu'on prend, Charles. La personne, barakallahu fikoum, dès lors qu'elle est convaincue par des dalils, non, alors, inshallah, elle se doit de s'y conformer. Non. Il peut changer par la suite, mais dès lors que la vérité lui est venue et considère que c'est la vérité, il se doit de la suivre, inshallah. Voilà la parole, la vie authentique sur ce sujet-là. Wallahu a'lam. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il, donc, si on prend l'avis qu'il bouge le doigt, quand bien même il ne bouge pas, à la kulli hal, il doit faire des doigts. Quel doigt il fait lorsqu'il est assis entre les deux prosternations? Il dit, Rabbi ghfirli. Il peut le dire une fois, il doit le dire au moins une fois, c'est une obligation. S'il le dit 3 fois, 10 fois, c'est encore mieux. Il peut dire aussi la doa que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on dit aussi dans le sujoud. Rabbi ghfirli, warhamni, wa'afini, wajburni, warzukni, warfa'ni. On va essayer d'expliquer ces sens-là, inshallah, tabaraka wa ta'ala, à la lumière des explications des savants. Lorsqu'on dit Rabbi ghfirli, oh Allah, pardonne-moi, oh Seigneur, pardonne-moi, ceci signifie que tu demandes à Allah qu'il cache tes péchés. Un. Il les cache aux yeux des gens. Personne d'entre nous voudrait voir ses péchés étalés aux yeux des gens. Donc tu demandes à Allah qu'il les cache. Tout ceci c'est compris dans le terme en arabe « Ghufran » ou « Al-Maghfira ». Tu demandes qu'il les cache. Deux, tu demandes qu'il les efface. Qu'il te les efface. Comme si tu ne l'avais jamais fait. Trois, lorsque tu dis « Rabbi ghfirli », tu demandes aussi à Allah qu'il te préserve de ses mauvaises conséquences. Les mauvaises conséquences des péchés. Car les péchés ont des conséquences. Soit dans cette vie-là, soit dans l'au-delà. Mais de toute façon, ils en ont. Donc si la personne, elle n'implore pas le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec les sens que j'ai évoqués ici, alors il risquera au final de les subir, ces conséquences. Là. Ça c'est Rabbi ghfirli warhamni. Donc, c'est comme si tu dis à Allah, décrète à mon égard cette miséricorde de ta part, par laquelle on obtient ce qui est désiré et voulu, et par laquelle disparaîtra ce qui est craint et redouté. Alhamdi. Comme vous le savez, la personne ne sera sauvée que par la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Yadkhulul abdul jannata bi rahmatillah. Laysa bi amali. Comme a dit le hadith sahih. Personne ne rentrera au paradis par ses actes. Si on devait peser nos actes réellement, ils ne valaient rien du tout. Par rapport au paradis, son immensité et ses délices. Mais le prophète a dit, vous rentrerez par la miséricorde d'Allah. Alors les sahaba lui ont dit, ya Rasulallah, même toi, il a dit, même moi, illa an yatarammadani Allahu bi rahmati. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne rentrera pas au paradis, sauf si Allah le couvre de sa miséricorde. Donc, Rahma, par la miséricorde d'Allah, on obtient ce qui est voulu et désiré, et on est prémuni contre ce qui est craint et redouté. c'est-à-dire le châtiment et les supplices. Wa'afidi, al-afiya, c'est le fait d'être protégé d'un mal et d'un préjudice, comme la maladie par exemple, hein, ou autre chose. Que ces maladies soient d'ordre physique, hassiya, comme par exemple les maladies que vous connaissez, ou alors qu'elles soient d'ordre plus conceptuel, dans le sens des maladies du cœur, comme les shahawat par exemple, une personne qui est plongée dans le shahawat, c'est une maladie à part entière. Lorsque tu demandes à Allah wa'afini, il faut que tu aies à l'esprit qu'il te protège des maladies physiques connues et des maladies aussi du cœur, des maladies du corps et du cœur. Là, il faut avoir à l'esprit ces deux sens-là. Wajburdi, comble mes déficiences, car effectivement l'homme est déficient par nature. Il est déficient dans ses décisions. Il est déficient dans sa science. Il est déficient dans sa personne, dans son être, dans son corps. Il est déficient dans sa pratique religieuse. Il est déficient dans sa vision des choses. Il est déficient sur tous les aspects. Donc lorsqu'on demande à Allah wajburdi, c'est comme si on demande à Allah de combler ses déficiences. Il vient les combler. Il vient les réparer. Le jabr. Et enfin, urzuqni, octroie-moi une subsistance de ta part, qu'elle soit d'ordre matériel ou spirituel. Car la subsistance n'est pas seulement at-ta'am wa sharab. C'est pas seulement les viandes, les volailles, les légumes, les fruits et tout ce que vous connaissez. Ça, c'est une subsistance qui est importante, mais c'est pas celle qui est la plus importante. Celle qui est plus importante, c'est la subsistance de ton cœur. Et c'est par celle-là que, inshallah, tu te présenteras devant Allah tabarak wa ta'ala. Illa man atallaha bi qalbin salim. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Donc il faut demander à Allah cette subsistance du cœur, comme par exemple la science bénéfique, les actes vertueux, la clairvoyance dans la religion, la foi. C'est ça qu'on demande à Allah et c'est le plus important. Et Sheikh Al-Faymin dit, lorsque la personne elle fait ses doigts, il faut qu'elle ait à l'esprit tous ses sens, pour qu'elle obtienne, Inch'Allah, tout ce qu'elle a à l'esprit, et tout ce qui est impliqué et inclus dans ces sens et dans ces termes-là et dans ces doigts. Il ne faut pas juste penser du côté matériel seulement. Ayant dit ceci, il se prosterne une deuxième fois comme la première soujoud. De la même manière. Il peut à ce moment-là aussi lever les mains en disant Allahu Akbar. Le prophète le faisait de temps en temps. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous passons à la deuxième raka'at. Lorsqu'il a fini sa deuxième prosternation, il se lève pour la deuxième raka'at. Soit il se lève directement, soit il se lève en s'appuyant sur ses poings. Et le prophète a donné cette image du ajin. Ajin, c'est celui qui pétrit la patte. Comment il fait pour pétrir la patte? Il prend ses deux poings et il appuie par terre comme ça. Donc la personne, lorsqu'elle se lève, elle appuie sur ses deux poings comme ça. C'est exactement ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il se lève. Afin d'avoir, inshallah, un mouvement qui est, inshallah, bien cadencé et bien équilibré. Il y a quelque chose ici à dire, barakallahu fikoum, avant de se lever dans la deuxième rakaat, pour la deuxième rakaat, il y a ce qu'on appelle chez les savants, jalsatu istiraha. C'est-à-dire l'assise du repos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahyanan, des fois, qu'est-ce qu'il faisait? Avant de se relever directement pour la deuxième raka'at, il restait assis un petit moment. Comme s'il voulait se reposer et reprendre des forces ou reprendre son souffle. Là, et ensuite il se levait. Des fois il se levait directement sallallahu alayhi wa sallam. On en conclut que jalsatul istiraha li mashru'a. C'est-à-dire, elle est légiférée en islam. Et certains considèrent qu'elle est mustahabba, recommandée. Quand on dit elle est mashru'a, c'est-à-dire qu'elle est permise, on peut le faire. Quand on dit elle est mustahabba, il y a une notion en plus à prendre en compte, c'est que celui qui le fait par imitation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recherchant la face d'Allah, il sera récompensé. il aura une récompense. Celui qui le délaisse, Inch'Allah, aucun blâme, rien à lui reprocher, Inch'Allah. Cheikh Al-Albani dit que c'est une sunna recommandée comme beaucoup et nombre de savants. Cheikh Al-Athaymin dit que cette assise, elle n'est pas voulue en elle-même. Ce n'est pas une ibad en elle-même. C'est juste en fait une manière pour se reposer seulement, de reprendre son souffle. Non, il dit pour quelle raison? Car il n'y a aucun dhikr qui est lié à cette jalsa. C'est-à-dire pendant cette jalsa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait aucun dhikr. Contrairement à tous les autres gestes dans la prière où il y a tout le temps un zikr dedans, une invocation. Dans celle-là, il n'y en a pas. Ce qui pousse Cheikh Al-Athaymin et d'autres savants à dire que c'est pas une ibada qu'on doit rechercher par laquelle on espère une récompense. Non. Celui qui est fatigué et qui veut la faire, il la fait. Celui qui n'a pas besoin de la faire, il la fait pas, il se relève directement. Mais d'autres savants voient que c'est une sunna mustahabba. Sunna qui est recommandée. Donc, lorsqu'il se lève, soit il se lève, donc après cette jalsa, ou alors directement s'il veut, soit il lève ses mains directement, alors qu'il est encore assis, et le prophète le faisait parfois, soit il se lève et en même temps il lève ses mains. Et ça c'est ce que faisait le prophète de manière assez courante. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on se relève et lorsqu'on est debout, donc on dit Allahu Akbar, donc c'est un takbir, c'est un wajib, c'est une obligation. Lorsque la personne est debout, doit-elle relire Dua al-Istiftah? Vous vous rappelez de Dua al-Istiftah? Qui la connaît? Il a plusieurs. Qui la connaît? Non, la salle. Voilà, il a Hahiro. L'autre, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib Allahumma naqqi khataya min al-khataya kama yunqa al-thawb al-abyad min al-danasi Allahumma ghsil khataya bil-ma' wal-thalj wal-barad. Naam. Ça on le dit quand on commence la prière, on dit Allahu Akbar takbiratul ihram, pose ses mains. On fait le dua al-istiftah, ta'awud, a'oudu billahi minash shaitani, puis on lit le Coran. Là, est-ce qu'on redit le dua al-istiftah ici quand on se relève dans la deuxième rakaat? Non. On ne le redit pas ici. Parce que l'istiftah, barakallahu fikum, elle ouvre la prière, pas la rakaat. Donc, une fois qu'on l'a dit au début de la prière, on n'a pas besoin de la redire une deuxième fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire directement, on va lire directement le Coran. Or, donc ici, il n'y a pas de divergence sur ça. Par contre, la divergence, est-ce qu'on doit redire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » avant de lire le Coran? Divergence chez les savants. Cheikh Al-Albani a longtemps parlé sur ceci. Il dit qu'on la redit à chaque rakaat. D'autres savants disent qu'il y a une largesse dans ceci. La personne, elle fait comme elle veut au final. Puisqu'il l'a dit une première fois, alors, le fait qu'il l'ait dit dans la première rakaat, ça tient lieu pour toutes les récitations du Coran qu'on fera dans la prière. Non. Sur ceci, il y a une largesse, Inch'Allah. Non. Oui, il y a beaucoup de choses à dire dans la prière. Il faut décortiquer. J'ai une moulahava à vous faire, une remarque très importante, barakallahu fikoum. Ça, c'est ce qu'on constate chez beaucoup de gens qui prient. Derrière l'imam. La sunna, lorsqu'on est derrière l'imam, barakallahu fikoum, c'est bien sûr de ne pas le devancer. Ça, je pense que vous le saviez déjà. Mais aussi, il faut attendre, avant de changer de position, que l'imam a complété son changement de position. Je m'explique. Lorsque, par exemple, le prophète était debout, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons étaient derrière lui. Le prophète, lorsqu'il partait en inclinaison, en recours, les sahabas ne s'inclinaient pas, non, avant que le prophète était correctement au recours. Dès qu'il était correctement installé au recours, à ce moment-là, il tombait en recours. Pareil, lorsque le prophète se relevait de recours, il ne se relevait pas jusqu'à temps que le prophète soit complètement debout. Pour le sujoud, lorsque le prophète partait en sujoud, il ne partait pas en soujoud jusqu'à ce que le prophète avait bien son front par terre, correctement positionné en soujoud, etc., etc. Ça, c'est la sunna du prophète. Et ce hadith, ou cette sunna, on la tire du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abdullah ibn al-Khatbi, al-Ansari, qui a rapporté de l'Bara ibn Azib. Écoutez bien. Il dit, حدثني البراء البراء ابن عازب compagnon du prophète il dit البراء m'a rapporté وهو غير كذوب et bien sûr ce n'est pas un menteur قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم نحني ولم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقع سجود ثم نقع سجودا بعده. Donc il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait Sami'a Allahu liman hamida, aucun d'entre nous ne pliait son dos, dans le sens personne d'entre nous ne pliait son dos, que ce soit au sujoud ou en recours, hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sajidan, jusqu'à ce que le prophète soit complètement en prosternation. Et lorsqu'il est en prosternation, nous nous prosternions à ce moment-là. Vous avez compris? Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui malheureusement est très peu connue et très peu appliquée par voie de conséquence. Non. Cette deuxième rakaat, qui est exactement identique à la première, donc on va pas tout refaire, inshallah. Cette deuxième rakaat, elle doit être dans la récitation plus courte que la première. C'est ça la sunna. Non. Le prophète avait l'habitude de réciter dans la première ce qui équivaut à 30 versets. Dans la deuxième rakaat, moitié moins, 15 versets. Non, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur. Donc, les rakaat, quand on a des prières de 4 par exemple, et qu'on souhaite lire dans les 4 rakaat, il faut aller de manière décroissante. C'est-à-dire, on lit longtemps dans la première, moins longtemps dans la deuxième, moins longtemps dans la troisième, moins longtemps dans la quatrième. On verra, Inch'Allah, pour les prières de l'Asr ou al-Dhuhr. Non. À la Kulihal, la deuxième rakaat est beaucoup plus courte que la première. Ensuite, après avoir lu le Coran, donc on fait la même chose que dans la première rakaat et on arrive au tashahud. Tashahud du milieu. Non? Sauf pour la prière du Fajr, qui correspond au tashahud de la fin, puisque c'est une prière de deux rakaat. Alors, comment il doit s'asseoir dans ce tashahud? Il s'assoit de la même manière qu'il s'asseyait entre les deux prosternations. Là, concrètement, comment? Donc, il s'assoit sur son pied gauche, il lève le pied droit, les orteils vers la qibla, il pose sa main gauche immobile sur sa cuisse gauche, sa main droite sur sa cuisse droite, et l'index, là, et il fait un cercle entre ce qu'on appelle al-wusta ou al-ibham, c'est-à-dire entre le majeur et le pouce. Ça, c'est une façon de faire, ce qu'on appelle at-tahliq. La deuxième façon de faire, c'est que ya'khudhu al-khinsar wal-binsar wal-wusta. Al-khinsar, c'est l'auriculaire. C'est ça, l'auriculaire ou l'annulaire? Auriculaire. Et celui-là? L'annulaire. L'annulaire. L'auriculaire, le petit. L'annulaire et le majeur, les trois, ils sont collés. Puis, il colle le pouce. Là, de telle manière que ça fait comme un point et il laisse juste l'index droit devant car c'est avec lui qu'il va, Inch'Allah, invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Voilà les deux manières de faire. Là. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il va dire, bien sûr, le tashahud. Le tashahud, il y a cinq manières de le dire. Il doit être rapporté de cinq façons différentes. Vous choisissez celle que vous voulez. Et la sunna, c'est le talawar, c'est de faire une comme ça des fois, puis de changer, puis de faire une autre, Inch'Allah. Celui qui ne connaît pas les cinq, connaît une, Inch'Allah, là, il n'y a aucun mal. Non. Le tashahud, il dit, at-tahiyatu lillah, wa salawatu wa tayyibat. Donc je vous donne ici la forme du tashahud d'Abdullah ibn Mas'ud. Assalamu alayka, ayyuha al-Nabi, ou alors, assalamu ala al-Nabi, on va le voir, Inch'Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد. C'est l'obligation de la prière. On ne doit pas les laisser, sinon sa prière, elle est invalide. Qu'est-ce que signifie ce tashahoud? Qui connaît l'essence du tashahoud? Parmi vous. Qui connaît l'essence du tashahoud, les frères? Je ne demande pas la traduction, par contre, l'essence. Ça fait combien de temps que vous priez? Vous dites des choses que vous ne comprenez pas, alors. Non, il faut les apprendre, Inch'Allah, par contre. On va les voir ensemble, Inch'Allah. Lorsqu'on dit At-Tahiyyat Lillah, At-Tahiyyat ici, ça veut dire At-Tardimat, les vénérations. C'est lorsque tu vénères et tu grandis Allah, tabarak wa ta'ala. Tu le grandis dans ton cœur, par la parole et par les actes. At-Tardimat Lillah, toutes les vénérations sont adressées à Allah de plein droit, istihqaqan, de plein droit, car seul lui les mérite. Wa-Ikhtisasan, et seul lui les possède. تحياته لله وحده لا شريك له لا للنبي لا للولي لا للملك لله تبارك وتعالى. Ça c'est التحيات لله. Donc déjà c'est une vénération. Tu proclames la grandeur et la vénération d'Allah تبارك وتعالى. الصلوات والطيبات. Donc الصلوات لله والطيبات لله. الصلوات. الصلوات c'est toutes les prières. Les prières obligatoires, elles sont pour Allah. De plein droit. Les prières surérogatoires, elles sont pour Adam, adressées à Allah. Dans les prières salawat, il y a aussi les doa, puisque as-salatu, à la base, c'est les doa. Les doa que tu fais, elles sont adressées à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire as-salawatu lillah. Notamment celle que tu es en train de faire actuellement lorsque tu dis ceci. Tu dis que cette prière-là, elle est adressée à Allah, tabaraka wa ta'ala. At-tayyibat. At-tayyibat. C'est toutes les bonnes choses, qu'elles proviennent d'Allah ou qu'elles proviennent de nous. Je m'explique. Alors, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Non. Donc, Allah n'accepte pas ce qui est mauvais. La yaqbalu al-khabith. Donc, Allah n'acceptera de nous que les choses qui sont bonnes. Donc, ici, nous disons, toutes les choses bonnes que nous faisons, nous te les adressons, il y a Allah. Non? Et en même temps, les choses bonnes qu'Allah possède, tabarak wa ta'ala, parmi ses qualités de perfection. Non? C'est comme si ici on dit que toutes les qualités de perfection, non? Que ce soit des qualités intrinsèques à Allah, ou que ce soit ses paroles ou ses actes, tout ceci sont à Allah tabarak wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ici, c'est comme si on demandait à Allah qu'il préserve son envoyé et sa sharia de tout mal, de tout préjudice. Assalam bimarna assalam. Ici, ça ne veut pas dire assalam le salut, les salutations. Ici, c'est une doa qu'on fait en faveur de l'envoyé d'Allah. On demande à Allah qu'il préserve l'envoyé d'Allah de tout mal. Que ça soit un préjudice physique ou alors un préjudice moral. Un préjudice physique, par exemple, toute personne qui voudrait déterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallim ala Muhammad, c'est comme si tu dis oh Allah protège le prophète Muhammad contre tout préjudice et contre tout mal. Pareil, tu demandes à Allah qu'il préserve le prophète dans son honneur. Pareil, tu demandes à Allah qu'il protège le prophète dans sa charia. Car lorsqu'une personne attaque la charia, c'est comme s'il attaque celui qui a proféré cette charia. C'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dernière fois, certains ne vont pas attaquer le prophète directement, mais ils vont s'attaquer à l'islam. C'est une manière indirecte pour s'attaquer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, faites attention à ceci. Surtout à notre époque. Non. Ici, il y a un mouchkil, il y a un ishkal, ya khwa. Lorsqu'on dit assalamu alayka ayyuhan nabi, le prophète il est mort. Pourtant, on emploie ce qu'on appelle kaful khitab. C'est-à-dire, on emploie le pronom à la deuxième personne du singulier. C'est comme si, oh prophète, c'est comme si on s'adresse directement à lui alors qu'il est mort. Oh toi prophète, qu'Allah te préserve, etc. Est-ce qu'on a le droit de s'adresser aux morts? Donc il y a un problème ici. Non. Donc les savants se sont penchés sur cette question. Certains savants ont dit, ici, lorsqu'on dit assalamu alayka, effectivement le prophète la yasma. On a le hadith, sallimu alayya fa inna taslimakum sayyuballighuni aina makut. Sayyablughuni aina makut, afwan. Adressez-moi vos salutations, car où que je sois, où que vous soyez, vos salutations me parviennent. Ce sont les anges qui les transmettent. Donc ça, c'est un élément de réponse. Si on dit Allahumma, lorsqu'on dit assalamu alayka ya ayyuhan nabi, le prophète n'entend pas, mais les anges transmettent cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième élément de réponse, qu'on dit les savants, ils disent que lorsque tu t'adresses au prophète comme s'il était en face de toi, c'est comme si dans ta prière, tu avais l'impression qu'il était en face de toi. Non. Et que tu lui as adressé des salutations. Non. Or, Cheikh Al-Albani rapporte dans Sifat Salat al-Nabi, je vous enjoins à revenir à ce livre, Inch'Allah. Il dit que Abdullah ibn Mas'ud a rapporté ce hadith et il a changé la formulation. Il a dit cette parole importante. Il a dit, lorsque le prophète était vivant, nous disions Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Il est vivant. Mais dès lors qu'il est mort, nous disions Assalamu ala nabi. Le salam sur le prophète. Sans employer le terme direct ou la formulation directe. Non, car il était mort. De même à Aïcha, lorsqu'elle enseignait le tashahud à ses élèves, elle l'enseignait de cette façon-là, cette deuxième façon. Elle disait Assalamu ala nabi. Non. Et Sacha al-Bani dit, ceci nous prouve que ceci ne l'ont pas inventé. Non. Mais c'était quelque chose qui était connu chez les sahaba. Donc, c'est la sunna que nous devons employer à notre époque, Inch'Allah. Non. On ne dit pas Assalamu alayka ya ayyuhan nabi, ou Assalamu alayka ayyuhan nabi, mais on dit Assalamu ala nabi. Non. Et ceci vient fermer aussi une porte à tous ceux qui ont le cœur malade et qui sont tentés d'aller vers le shirk billah. Parce que ceux qui font du shirk billah, ils disent que les morts, ils entendent. Et ils s'appuient sur ces versions du tashahud où ils disent, regardez, même vous, dans votre prière, vous dites assalamu alayka ayyuhan nabi, alors que le prophète est mort. Qu'est-ce qui nous interdit, nous, de dire ya wali kada wa kada? Donc, on ferme la porte à tout ceci, inshallah. Et ça fait partie de la science d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu tabaraka wa ta'ala. Wa rahmatullahi, assalamu ala nabi, wa rahmatullahi. Donc ici, on invoque ici la miséricorde d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai dit tout à l'heure que par la miséricorde, on obtient tout ce qui est désiré, et on repousse ce qui est craint et redouté. Lorsque cette miséricorde descend, on bénéficie de ces deux choses. Non. Pour cette doa, tu demandes le meilleur pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Car ici, la miséricorde, elle est liée avec le taslim, juste avant. Donc on demande à Allah qu'il protège le prophète, donc qu'il repousse de lui tout mal. Et lorsqu'on demande la miséricorde, c'est comme si on disait qu'il ramène sur lui tout le bien. Donc ici, on a fait le tour, la boucle est bouclée, comme on dit. Négation, affirmation. Après avoir dit ceci, on dit assalamu alayna. Donc ici, le salam sur nous. Donc on demande à Allah qu'il nous protège nous aussi. Et qu'il nous accorde le salut. Assalamu alayna. Sur nous l'ensemble de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala ibadillahi salihin, ainsi que les pieux serviteurs dans les cieux et dans la terre. Parmi eux, les anges. Non. Qu'est-ce qu'on constate ici, barakallahu fikoum? On constate qu'il y a une hiérarchie, il y a un tartib mu'ayyin. Non. Dans les droits de chacun. On commence par le droit d'Allah. Car c'est le plus important. At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat. Non. On commence d'abord par Allah, tabarakallah. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Le barakat, j'ai oublié aussi. Hein? Droit du prophète, ça, salam. Puis ensuite, nous. Assalamu alayna. Et ensuite, le reste des croyants, wa ala ibadillahi salihin. Et le prophète a dit, lors des doigts, il a dit, ibda binafsik. Lorsque tu fais des doigts, tu commences d'abord par toi. Hein? Comme le dit Allah, tabarakat dans le Coran, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. Et ceux qui sont venus après eux, après le Muhajirin wal Ansar, ils ont dit, oh Seigneur, pardonne-nous à nous ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils ont commencé par qui? Par eux. C'est ça le adab dans le doa. On commence d'abord par soi. On dit par exemple, hadani Allah wa iyyak. Qu'Allah me guide et toi. On dit pas, hadak Allah wa iyyai. Vous avez compris? On commence d'abord par soi. Ibda bin Afsika, comme l'a dit le prophète. Voilà qui, lorsque le prophète est là, tu commences pas par toi d'abord. Tu commences d'abord par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu dois mentionner Allah, tu commences d'abord par Allah avant le prophète. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. L'un d'entre vous ne sera jamais un véritable croyant tant qu'il n'est même pas plus que son propre père. Min waladihi, son propre enfant et tous les gens qu'il connaît. Même s'ils sont chers à lui, il commence d'abord par le prophète, il doit d'abord aimer le prophète. Ar-rasulu muqaddamun wa awla fi mahabbatina. Non? An-nabi hu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète est plus en droit, plus de droit sur vous que vos propres personnes l'ont sur vous. نعم يا إخوة إذا نبدأ بحق الله تبارك وتعالى ثم حق الرسول ثم حقنا ثم حق المؤمنين على هذا الترتيب sur cet ordre là précis. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit dans le tashahud? Et je vais finir par ça, inshallah tabarak wa ta'ala. On dit أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. Donc ici, lorsqu'on dit أشهد, c'est-à-dire أعترف وأقر. J'atteste et je reconnais dans mon cœur. Non, ce n'est pas juste une parole de la langue. Sinon, tous les munafiqs à l'époque du prophète seraient musulmans. C'est une attestation du cœur avant tout, qui est prononcée par la suite par la langue. Mais pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de dire ashhadu? Pourquoi on ne dit pas aqirru? J'atteste, qui est le verbe ici qui est voulu. Mais ashhadu, je témoigne. Comme si on avait vu quelque chose. On a vu quoi? On a vu avec l'œil de la certitude. C'est-à-dire que quand la personne elle atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, elle reconnaît ceci dans son cœur, c'est comme si elle voyait cette chose-là, elle en est persuadée comme si elle le voyait de ses propres yeux devant lui. Donc il y a cette notion dans Shahada de quelque chose que tu as vu et que tu es sûr, tu ne doutes plus. Non? Aïnul yaqin. L'œil de la certitude. Non? Ce terme-là, il est plus fort que Akavru. Ou Akavru, Afwan. Donc, il faut reconnaître dans son cœur, l'âme, et attester sur la langue que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, tabarak wa ta'ala. Lui seul mérite l'adoration. Nous avons envoyé à chaque communauté un envoyé qui a dit à son peuple, adorer Allah et éviter le ta'arud sous toutes ses formes. Donc, ceci revient à cette parole, la ilaha illallah. La ilaha ilaha bima'na ma'louh. El ilahu wal ma'boud. C'est celui qui est adoré. Isma maf'oul. El ma'louh. Ça revient souvent dans la langue arabe. On dit par exemple el bina, l'édifice, alors qu'en fait c'est mabdi. On dit firash, alors que c'est mafrouche. On dit ghiras, alors que c'est mahrous. Wahakata. On dit ilah, alors que c'est ma'louh. Qu'est-ce qu'est le ma'louh? Al-Ma'lou, c'est celui qui est aimé d'un amour qui te porte à l'adorer. Et chez les Arabes, At-Talahou, c'est le fait d'aimer jusqu'à la folie. Dans la langue arabe. Donc c'est un amour très très fort qui te porte à l'adoration. Donc on voit bien que dans cette shahada, on ne parle pas de seigneurie d'Allah. On parle bien d'adoration, de divinité. Attention. De même, lorsqu'on dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, abduhu wa rasuluhu », on reconnaît le caractère humain du prophète. « Abdun, laysa bi'ilah ». C'est un serviteur. Et en même temps, on reconnaît son caractère exceptionnel parmi les hommes. Il est Rasul. Il ne fait pas partie du commun des gens. Donc, il faut respecter ces deux choses-là. Il ne faut pas être dans les deux extrêmes. À reconnaître une quelconque divinité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car sinon on ne leur a pas dit « Abd », On n'aura pas respecté ce terme de had. Et en même temps, il ne faut pas être jaf, c'est-à-dire trop dur, et de dire que le prophète, au final, c'est un homme comme les autres. Huwa rajulun nahnu rijal. C'est un homme et nous, on est des hommes. Là, huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa lizalik al-ulama yaqulun, ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhdhab. 'Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhdhab. C'est un serviteur qui n'est pas adoré et c'est un envoyé qui n'est pas démenti. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.